À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous, cette semaine dans Apocalypse, on quitte le flot de l'actualité musicale pour un petit regard dans le rétro. Pour cette première émission thématique, je vous propose une plongée dans le death metal pour y établir un historique, non exhaustif évidemment, au travers d'une poignée de morceaux emblématiques. Si je commence par ce style, ce n'est pas pour des raisons chronologiques, évidemment, ni parce que je suis un DCE inconditionnel, mais parce que ce style est représentatif de l'évolution du metal à une plus large échelle. En effet, on retrouve différentes scènes death metal avec chacune leurs innovations et leurs identités propres. Mais avant de se pencher là-dessus, commençons par définir le death metal et comprendre un peu d'où il tire sa substance. Caractérisé par des sonorités graves, que ce soit dans la voix ou dans les guitares, le death metal est un descendant du thrash. Grand maître durant les années 80, le thrash a fini par s'essouffler dans les années 90 pour laisser le death s'épandre sur la sphère metal. Bien évidemment, il y a eu une période de cohabitation durant laquelle les pionniers du death metal ont posé les bases de ce nouveau style. Leurs noms, Possessed, Death et Morbid Angel. La paternité est difficile à établir clairement, Death et Possessed étant les deux groupes les plus cités. Je penserai cependant sur le premier étant donné que le style a pris son nom. D'un autre côté, sur le premier album de Possessed, Seventh Church, sorti en 1985, et tantôt défini comme du thrash death, du proto death ou du death metal tout court, on trouve un morceau nommé Death Metal. Alors, qui est le vrai papa de ce bébé tout sanguinolent? Le débat reste ouvert. Quoi qu'il en soit, cette première mouture de Death Metal sent encore un peu de thrash, mais le son se fait déjà plus lourd et les voix plus caverneuses. C'est en 88, avec Leprosy, le second album de Death, que seront fixés de manière plus poussée les principaux codes du genre. Petite illustration avec Open Casket de Death, extrait de Leprosy. L'importance et l'impact de Death sur la scène death metal et le metal en général est énorme. En plus d'avoir posé les bases du genre, Chuck Schuldiner, tête pensante du groupe, veut pousser le style plus loin, ce qui sera fait avec l'album Human, précurseur dans la death technique. Mais ça, ça vient un peu plus tard. Malheureusement, ce grand musicien et compositeur hors pair meurt d'un cancer en 2001. En album hommage, Within the Mind, in homage to the musical legacy of Chuck Schuldiner, sera enregistré, preuve supplémentaire de l'affection et du respect des musiciens envers Schuldiner. On retrouve une flopée de zikos du monde entier au générique de l'album, de Paul Gray à Peter Tadcon. Retour sur la chronologie. L'année suivante, la sortie de Leprosy, deux bombes sortent et marqueront à jamais le death metal. Altar of Madness de Morbid Angel et Slowly We Rot de Obituary. Enregistré au mythique studio Mori Sound de la Tampa en Floride, studio qui verra passer une bonne partie de la scène death metal, ces deux formations renforcent encore l'aspect guttural des vocaux et le son devient toujours plus dense. Avec ces deux albums, deux thématiques chères au death metal se développent dans les paroles. D'un côté, le versant occulte et satanico-guignolesque de Morbid Angel, inspiré des travaux de Venom, et de l'autre, l'approche gore et série Z d'Obituary. Ce courant orienté gore aura une grande importance dans le milieu underground et donnera des idées à quelques petits gars qui développeront à outrance des paroles toujours plus détaillées, on y revient plus tard. Les thématiques de l'occulte seront elles aussi explorées par d'autres représentants du death metal, en particulier Tailside et son leader Glenn Benton, qui a eu l'intelligence remarquable de se faire marquer une croix renversée au fer rouge sur le front. Tayside sera tout au long de sa carrière emmerdé à divers degrés à cause de ses prises de position ouvertement sataniques, avec en point d'orgue l'explosion d'une bombe lors d'un concert à Stockholm. Les auteurs n'ont jamais été retrouvés. Mais il en faut plus pour ébranler un esprit aussi élevé que celui de Benton, qui l'embrasse son fils Damon et aura une vision de lui, révélant que le pauvre enfant mourra dans sa 33e année. Damon Benton a aujourd'hui passé l'âge du Christ et se porte toujours bien, comme quoi même Satan dit des conneries. Quoi qu'il en soit, c'est plus le black metal qui poussera à son paroxysme le côté impie et anti-religieux qui hante le metal depuis ses origines. Mais je m'éloigne un peu, retour sur le death pur et dur avec Intoxicated d'Obituary, extrait de Slowly We Rot. Ce premier album du groupe a marqué la scène metal par le chant primal de John Tardy et fut le début d'une longue série de collaborations entre le producteur Scott Burns et la scène metal extrême via le Mori Sound Studio déjà cité. À l'instant, pour finir l'illustration de la première génération des groupes de death metal US, c'était Immortal Rites de Morbid Angel, extrait de Altar of Madness. Avec ce premier album sorti chez Earache, Linge Morbid a posé ce son très mat qui deviendra la marque de fabrique du groupe. La renommée des Floridiens augmentera au fil des années, avec comme apogée l'album Covenant qui reste à ce jour l'album death metal le plus vendu, avec pas moins de 500 000 exemplaires écoulés dans le monde. D'ailleurs, en 2014, le groupe s'embarque en tournée pour les 20 ans de l'album, petite consolation pour les fans restés frustrés par la dernière sortie en date du groupe, Illud Divinum Insanus. Le death metal continue de se développer aux États-Unis, avec quelques grands noms comme Immolation, Suffocation ou Autopsy, mais rapidement, il traverse l'Atlantique pour aller souiller la Suède à la toute fin des années 80, avec comme messager des ténèbres le trio Untombed, Unleashed et Dismembered. Toujours de facture classique ou old school, selon que l'on est vieux ou pas, la musique de ces groupes reprend les codes établis par la scène de Floride. Parallèlement, dans la ville de Göteborg, trois formations voient le jour et proposent quelque chose de nouveau dans le death metal, des mélodies. Leurs noms, In Flames, At the Gates et Dark Tranquility. Dans le même temps, mais dans un autre coin de la Suède, un certain Peter Tegtgren, qui avait fait un court séjour à New York dans les rangs de Malevolent Creation, monte un projet du nom de Hypocrisie, qui sera le quatrième pilier de la scène death metal suédoise, sorte d'accouplement sauvage entre la brutalité du death metal et le caractère plus mélodique du heavy. Tout au long des années 80, une chier de groupe va emprunter le même chemin jusqu'à saturation, à tel point qu'aujourd'hui le death metal semble vaguement tourner en rond, y compris et surtout les groupes cités comme pionniers. Petite illustration de cette double vague suédoise avec Morbid Devourment de Untombed, extrait de l'album Left and Path, et Windows de At the Gates, extrait de l'album The Red in the Sky is Ours. We'll be right back. Retour à la fin des années 80 aux États-Unis, un groupe sort une démo éponyme du nom de Cannibal Corpse. En 90, c'est Eaten Back to Life qui voit le jour, et déjà, les limites posées par les pionniers sont repoussées. Plus rapide, plus violent, plus agressif et plus volontairement excessif, ce premier album de Cannibal Corpse marque le début du Brutal Death. Ici, on se prend du blast plein les dents, les paroles sont répugnantes, la pochette dégueulasse et le chant incroyablement grave. Avec ce premier album, Cannibal Corpse devient le fer de lance du death metal gore et volontairement provocateur. Et c'est toute une vague de groupes plus cradingues les uns que les autres qui va suivre, repoussant sans cesse les limites de la censure, que ce soit dans les paroles ou sur les artworks. Mais c'est Cannibal Corpse qui fera sans doute le plus parler de lui lorsque Bob Dole, candidat à la vice-présidence des États-Unis, se lancera dans une campagne d'accusation de perversion de la jeunesse par le groupe. Résultat, Cannibal Corpse en gros titre sur tous les journaux et les ventes explosent. Merci Bob. Aujourd'hui encore, le Brutal Death a de beaux restes et ce dans le monde entier. En vrac, je citerai Aborted, Nile, qui fait un peu figure de cas particulier avec ses paroles inspirées de l'Égypte antique, Deim Fetus, et j'en passe. Mais à ce stade déjà, certaines frontières entre les genres commencent à flancher. En effet, un groupe comme Carcass et son Rick of Putrefaction, sorti en 88, a déjà utilisé la carte du gore et de l'ignoble comme marque de fabrique, sous l'appellation Goregrind. Mais il se trouve certaines personnes pour classer Carcass dans les pionniers du death metal. C'est donc toute la limite de ces podcasts thématiques et de la classification des groupes qui est touchée dès à présent. D'autant plus que l'évolution de Carcass vers un death metal plus mélodique par la suite brouille encore plus les frontières. Heureusement, des groupes comme Cannibal Corpse nous facilitent la tâche en mettant des jalons clairs et en prenant soin de ne jamais en sortir. Merci les gars. Et du coup, on va s'écouter Under the Rotten Flesh de Cannibal Corpse, extrait de leur deuxième album, Putrid at Birth, dont la pochette vaut le détour également. En parallèle des sorties de Cannibal Corpse, déjà plus techniques que le death old school, celui de Obituary et consorts pour rappel, une autre frange de la scène death voit le jour dès le début des années 90, le death technique. Là, on passe au niveau supérieur. Les musiciens sont de véritables tueurs, chaque riff est tout compliqué, la batterie se met à emprunter des patterns au jazz, bref, ça se touche grave. Dans les pionniers du style, on trouve death, encore une fois, athéiste et cynique pour les États-Unis ou nécrophagiste en Allemagne. Focus de Cynic, sorti en 1993, est régulièrement cité comme l'une des pierres angulaires de ce courant hautement élitiste et difficile d'accès. Dans ce style, les paroles gore sont moins centrales et on retrouve des thèmes plus spirituels, plus complexes, à l'image de la musique. Avec Opeth, le death metal rencontre le prog et les structures des morceaux se complexifient encore, les durées s'allongent et surtout les codes se brisent, jusqu'à ce que le groupe abandonne totalement les parties death metal avec l'album Heritage, sorti en 2011. Cynic aura un peu la même démarche avec Kindly Bend to Free Us, sorti en 2014. Des voix claires apparaissent, des influences hors métal s'incrustent, et on trouve aujourd'hui nombre de groupes de death technique dont la musique rompt avec les canons du genre établis à ses débuts. Dans les groupes phares officiels aujourd'hui, on trouve les Polonais de Decapitated, Gorod pour la France ou encore Pestilence. Je vous propose d'écouter tout de suite How Could I de Cynic, extrait de l'album Focus, qui fait partie de ces quelques perles de la musique qui fonde à elle toute seule un genre entier et dont l'impact reste toujours actuel aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le death metal continue son évolution avec des hybridations toujours renouvelées et un champ d'influence toujours plus large. Parce qu'évidemment, la scène metal étant en mutation constante, des passerelles se créent entre les genres, de nouveaux horizons sont explorés et des sous-familles voient le jour. Dans les principales que compte le death metal, se distinguent le doom death, le black death, le death symphonique et le deathcore. Il y en a évidemment plein d'autres, et ces diverses ramifications feront sans doute l'objet de podcasts ultérieurs, une fois les années mieux dégrossies. Il y a aussi des groupes un peu particuliers, comme Gojira, dont on a envie de mettre le mot death metal dessus, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, le death metal brasse très très large, et comme tout ce qui bouge tout le temps, les frontières deviennent de plus en plus floues. J'espère que vous avez aimé ce premier podcast thématique, un petit peu plus organisé, on va dire, et beaucoup plus lu, en fait. Voilà, j'ai lu le texte jusqu'à présent. J'espère que ça vous a plu. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. S'il y a des anecdotes qui vous viennent, ou des petites clarifications qui vous semblent importantes d'apporter, n'hésitez pas à en faire part également dans les commentaires. Ce sera toujours du bonus pour ceux qui lisent tout ça, et également pour moi, toujours ravi d'apprendre des choses. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une émission totalement normale, et la prochaine thématique aura lieu dans un mois. J'essaie de pondre ça tous les mois. Bonne semaine à tous, et à la prochaine.